Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici l'articulation. Chaque représentant d'une église doit avoir au minimum un diplôme de niveau baccalauréat. Un projet de loi relatif a été adopté au Conseil des ministres tenu mercredi et qui a supprimé l'organe de régulation des églises. Vous entendrez les précisions du secrétaire général et porte-parole du gouvernement dans cette édition. À Makamba, nous sommes au sud du Burundi, précisément dans la commune Kayogoro. C'est le manque d'eau potable qui s'observe. L'approvisionnement en eau potable ne se fait qu'une heure par jour. Et la chronique environnement de ce vendredi sera centrée sur les facteurs de diminution des précipitations et ses conséquences. Voilà pour l'essentiel. Séraphine Hakizimana est à la manette du son. Moïse Misago suit à la présentation. Bienvenue. Je vous le disais tantôt, le Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi de cette semaine a adopté un projet de loi portant la suppression de l'organe de régulation et de conciliation des confessions religieuses. Selon ce Conseil des ministres, cet organe s'est révélé inefficace à trouver solution dans les conflits qui s'observent dans les églises. Prosper Nahouami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, précise que chaque représentant de l'église doit posséder au moins le niveau universitaire de baccalauréat. Suivez-le. Les confessions religieuses étant des partenaires privilégiés dans l'organisation de la société doivent, en plus de l'aspect spirituel, participer au développement du pays au même titre que les autres organisations, tant nationales qu'internationales, opérant au Burundi. C'est dans ce souci de trouver une solution durable au fonctionnement des églises que ce projet de loi est proposé. Les principales innovations apportées à la loi en vigueur concernent la suppression de l'organe de régulation et de conciliation des confessions religieuses qui s'est révélé inefficace. La réglementation sur les jours, les heures et les lieux de culte, tout en permettant aux fidèles de vaquer à leurs activités quotidiennes en vue de leur propre développement. L'obligation aux confessions religieuses en quête d'agrément de disposer des lieux de culte décents, remplissant les conditions d'hygiène et construites en matériaux durables. L'exigence d'un certain niveau d'études élevé jusqu'au niveau baccalauréat pour les dirigeants des confessions religieuses et des mouvements religieux afin de garantir un meilleur leadership capable de bien orienter les fidèles. Après échange et débat, le projet a été adopté avec comme recommandation de supprimer la disposition qui parle du poste de visionnaire, insérer une disposition qui prévoit la mise en place d'un conseil doctrinaire dans les confessions religieuses qui le souhaitent, mais qui ne fait pas partie des organes dirigeants. Insérer une disposition qui précise que les organes dirigeants sont élus de façon démocratique et se distinguent des titres spirituels. Prévoir des démembrements du comité d'arbitrage pour pouvoir régler les différends jusque dans les succursales si elles existent. Dans l'agrément des confessions religieuses, prévoir un agrément provisoire et donner l'agrément définitif. Prévoir une disposition qui autorise les pouvoirs publics d'organiser les élections lorsque les organes dirigeants des confessions religieuses refusent d'organiser des élections à la fin de leur mandat. Le même Conseil des ministres a adopté également un projet de loi portant la modification de la politique nationale d'artisanat et sa stratégie de mise en application. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement explique que cette politique va permettre aux artistes burundais d'augmenter la production. Encore une fois, suivez Prosper Nahouamié et le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. L'artisanat au Burundi constitue un secteur indispensable et incontournable dans la mise en œuvre d'une politique ambitieuse de développement grâce à sa capacité et potentialité à générer des emplois avec un minimum de capital, lutter contre la pauvreté des ménages et de la population. Actuellement, le secteur de l'artisanat continue à se développer sans document d'orientation stratégique, car la quasi-totalité des activités artisanales s'exerce dans un cadre non structuré. Pour y remédier, le développement de ce secteur commencera par la mise en place d'une stratégie nationale de mise en œuvre de la politique nationale de l'artisanat et son plan d'action opérationnel. Les résultats attendus de la présente stratégie sont d'une importance capitale en matière de création d'emplois stables et décents, de production artisanale à haute valeur ajoutée, de valorisation des ressources locales, de développement du savoir-faire, d'exportation des produits nationaux diversifiés et d'ancrage des métiers de l'artisanat dans la réalité et dans le patrimoine du pays. À l'issue du débat, la politique et sa stratégie de mise en œuvre ont été adoptées avec les recommandations suivantes. Montrer l'état des lieux de l'artisanat ainsi que l'objectif à atteindre. Montrer comment les artisans seront protégés et appuyés, notamment par la construction d'une sorte de musée de l'artisanat. Préciser la période de vie de cette politique. Redynamiser les écoles d'artisanat. Renforcer les capacités des artisans pour qu'ils produisent des objets de qualité. C'était Prosper Nawgwamie, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Poursuivons cette édition des membres des coopératives Sangwe qui font les travaux d'entretien des routes dans la commune de Chombo en province Karoussi demandent des équipements et leur salaire à temps. Ils ont dit cela ce jeudi sur la colline Rukamba de la commune de Chombo dans une descente de deux jours du ministre en charge des infrastructures sur les routes nationales des provinces Karoussi, Gitega, Mwaro pour voir l'état d'avancement de ces travaux d'entretien. Deo Gracias Sangani Mwami a fait savoir qu'il attend celui qui a gagné le marché de distribution de ce matériel et que dans peu de jours, ils vont recevoir leur argent. Arthur Kababouch. Ceux qui font les travaux de protection des routes dans la commune Chombo en province Karoussi sont dans les coopératives Sangwe et parmi les besoins exprimés figure le manque de matériel. Nous avons un problème de matériel vu que les caniveaux sont bouchés. Et il y en a ceux qui sont sur des pentes qui nécessitent qu'on déplace la terre vers l'autre côté. Sans brouette, perche, c'est impossible. Nous vous demandons ce matériel. Nous avons un autre problème de ceux qui cultivent au bord des routes, ce qui fait qu'on manque là où on met la terre. Nous vous demandons de sensibiliser les gens à respecter les 6 mètres. Cependant, ils ont dit au ministre que leur salaire tarde à les parvenir. Nous avons commencé au mois de février, mars et avril. Nous pensons qu'il va venir inspecter ce qui a été fait. Mais quand un citoyen vient ici, il veut avoir le paie pour lequel il a droit. Pour ce qui est du matériel, le ministre en charge des infrastructures, Deo Sangani Mwami, a fait savoir que le marché a été passé et qu'ils vont recevoir ces équipements bientôt. Pour la deuxième préoccupation, c'était en rapport avec les matériels, les petits matériels et les petits équipements d'entretien, de notamment les brouettes, les coupes-coupes et autres, les pelles et autres. Et nous avons déjà signalé que le marché a été déjà attribué. Et je pense très bien à deux ou à trois fournisseurs. Et une fois qu'ils gagnent le marché, ils ont quand même un délai de validité de leur offre. Et nous avons l'espoir que d'ici peu, ces équipements, ces matériels vont arriver. En ce qui est du salaire, le ministre leur a tranquillisé que dans peu de jours, ils vont recevoir les deux premiers mois car l'argent est disponible. Cette descente qui a débuté ce mercredi à jeudi, le ministre a visité la route nationale numéro 8 Gitega-Rutana, la route nationale numéro 13 Makebukuru-Yigi-Gasunu dans la commune Giheta, Chombo dans la province Karoussi et Nyakararo dans la province Mwaro. Depuis Gitega, Tukavabushi, Radio Sanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h03, poursuivons cette édition des femmes leaders membres du Forum national des femmes. Apprécie la formation sur le leadership reçue de la part de l'Association des femmes rapatriées. Selon Marie Gorete Beninmana, élue dans la circonscription de Karoussi, cette formation va les aider à faire le plaidoyer et la promotion de la femme rurale, Lydie Gahimbare. Lors des exposés, les formateurs ont beaucoup insisté sur les caractéristiques de la bonne gouvernance, le leadership, la coordination et le plaidoyer. Les femmes leaders ont alors l'obligation de suivre toutes ces caractéristiques. Les participantes à cet atelier de formation apprécient cette formation car c'est elle vient au moment opportun. Il y a un adage qui dit qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Cet renforcement de capacité vient à point nommé. Pourquoi ? Parce que nous avons été élus comme des femmes leaders, ce qui signifie que ces enseignements ou cette formation vont nous aider à aller former nos femmes de la colline, des communes qui nous ont élus. Et on nous a enseigné également que nous devrons faire un plaidoyer. Nous sommes appelés en tant que femmes leaders d'avancer les doléances et les questions des femmes respectives qui nous ont élus. Cet atelier vient de nous aider comment nous allons organiser les activités prévues pour promouvoir la situation économique des femmes. Selon Boutchoum Emérance, présidente du Forum national des femmes, cette formation va les aider à travailler dans la transparence et à faire une bonne organisation avec efficacité. Nous avons été enseignés sur la bonne gouvernance, le leadership. Nous avons appris ce que c'est une bonne organisation, une bonne planification, une bonne coordination. Nous avons reçu d'autres informations à l'endroit des femmes leaders comme nous, de travailler ensemble, de travailler en synergie. L'association des femmes rapatriées Afrabon aussi, qui est parmi les organisateurs de cette formation, indique qu'ils ont organisé cet atelier de formation à l'endroit des femmes nouvellement élues sur le leadership, l'organisation et la bonne gouvernance, parce qu'un leader doit avoir des informations sur ces notions avant d'entamer ses engagements. Merci Lydie Gahimbari. Des habitants de la commune Kayogoro connaissent un manque criant d'eau potable. Pour cet effet, certains d'entre eux font recours à l'eau des puits qu'ils se sont creusés dans leur ménage. Cependant, ils espèrent qu'ils vont bientôt être approvisionnés en eau potable suite à l'aménagement de la canalisation d'eau en cours depuis le mois de février. Le responsable de la régie communale de l'eau précise que les travaux d'adduction sont déjà réalisés à 40%. Depuis Makamba, Élisée Kouizera. Suite à la pénurie en eau potable que connaissent les habitants du chef-lieu de la commune Kayogoro en province Makamba, son approvisionnement ne se fait actuellement qu'en une heure seulement par jour. En outre, les petites sources d'eau aménagées qui s'y observent ne parviennent pas à les satisfaire. Pour cet effet, certains font recours aux eaux puisées dans les puits qu'ils se sont creusés dans leur ménage. François Dikoumana, responsable de la régie communale d'eau, affirme ces informations, disant que l'eau distribuée actuellement dans cette commune, l'air a été octroyé en 2002 et que les bénéficiaires se sont considérablement multipliés. Cependant, une canalisation d'eau potable qui va bientôt alimenter ce chef-lieu de la commune est en cours d'aménagement depuis le mois de février de cette année et ses travaux d'adduction sont déjà réalisés à 40%, ajoute-t-il. L'eau de cette canalisation prend sa source sur la colline de Kivoma, de la commune Gitanga, province de Rutana, juste à 25 km du chef-lieu de la commune Kayogoro. À ce projet du ministère et à l'hydraulique dans ses attributions, il ajoute qu'il est prévu un autre projet irrelatif pour pourvoir à son besoin. Certains habitants qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro saluent ces projets en cours au moment opportun, vu combien ils souffrent actuellement de cette pénurie. Élisée Kouizera depuis Makamba pour la radio Isanganiro. Depuis Makamba, à l'extrême sud du Burundi, rendons-nous au centre Akarusi où les habitants de cette province font des contributions pour la construction d'un stade moderne au chef-lieu de cette province il y a bientôt un peu plus de 5 ans. Les responsables de l'administration exigent à chaque personne âgée de 18 ans une contribution de 1000 francs. La plupart de ces habitants disent être satisfaits par le pas déjà franchi dans la construction de ce stade où l'étape déjà atteinte et de la mise en place de la charpente et des machines de terrassement sont en activité depuis la semaine passée. Blaise Pascal Kararumi. Tout habitant âgé de 18 ans et plus de la province Karusi est appelé à donner 1000 francs, une contribution pour la couverture de la charpente de la tribune du stade moderne en construction au chef-lieu de la province. Cette somme s'ajoutant ainsi aux autres contributions de la même population de Karusi, des contributions en argent ou en force par des travaux communautaires qui ont été donnés pendant les 5 ans que ces constructions durent déjà. La plupart de ces habitants de Karusi signalent leur satisfaction actuellement quant au pas déjà franchi. Ils expliquent que les travaux actuellement en cours pour la mise en place de la toiture et les machines aussi en place en train de faire le terrassement depuis la semaine passée et que cela les réconforte forte pour leur participation dans ces travaux de construction de cet ouvrage aussi important, le stade moderne. Les responsables de l'administration de la province Karoussi tranquillisent aussi que les travaux arrivent à un pas important et informent que même les cérémonies de commémoration de l'indépendance du 1er juillet prochain vont se dérouler à ce même stade moderne en construction. Ils indiquent qu'ils vont se prêter cependant ce stade en attendant la fin de ces constructions. Ils remercient aussi la population pour cet esprit de participation pour avoir un ouvrage public. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique environnement. La persistance des systèmes de cyclones et anticyclones sont les facteurs entraînant les faibles précipitations. Précision du directeur général de l'Institut géographique du Burundi, IGBU, Augustin Ngenzirabona, explique que les conséquences qui en découlent sont nombreuses, entre autres la chute de la production agricole. Les détails de cette chronique avec Vestine Boutoy. Il peut y avoir des faibles précipitations au Burundi tout comme ailleurs et les raisons sont multiples. Selon le directeur général de l'Institut géographique du Burundi, le changement climatique et la diminution de la température des eaux océaniques figurent parmi les principales causes des faibles précipitations. Les principales causes sont liées aux conditions météorologiques défavorables, notamment la persistance des systèmes d'anticyclones et de cyclones, le déficit des réserves des eaux pour assurer l'équilibre hydrologique aussi est l'une des causes du déficit des précipitations. Il y a aussi la diminution de la température des eaux océaniques qui influe aussi dans le déficit des précipitations. Là, on peut songer au phénomène La Nina qui est caractérisé surtout par des faibles précipitations. Et ces faibles précipitations entraînent des conséquences. Augustin Ngenzirabona cite la chute de production agricole et celle d'élevage, la malnutrition et les maladies qui en découlent. Il y a d'abord la chute de la production agricole qui entraîne parfois la famine, le déplacement de la population et aussi des maladies nutritionnelles. Il y a aussi la chute de la production de l'élevage. Là, on peut songer par exemple à notre pays où l'agriculture est rythmée par les précipitations. Sans précipitation, l'agriculture n'est pas facile et n'est possible que dans les vallées. Pour faire face à cette situation, le directeur général de l'IGBU, Augustin Ngenzirabona, propose plusieurs solutions, entre autres la maîtrise des conditions météorologiques. En premier lieu, il faut connaître les conditions météorologiques pour en dégager les mesures d'adaptation. Donc, on doit connaître son milieu pour pouvoir s'y adapter. Comment? Il faut les cultures résistantes à la sécheresse, l'irrigation et la culture dans les marais. En général, pour les pays qui vivent aux dépens de l'agriculture et de l'élevage, les conséquences émanant des faibles précipitations touchent essentiellement ces deux secteurs. Merci Vestine Boutoy au directeur général de l'IGBU, Augustin Ngenzirabona. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Hakizmana qui était à la manette édition. Au revoir.